Comment j'ai fait du MMA? Bah, je vais me remettre aussi dans la musculation et dans les MMA. J'ai vu un truc, Fitness Park, et je vais me remettre dedans dès que j'arrête les cigarettes là. Parce que je compte arrêter, mais vu comment je suis stressé, j'arrive pas. Et voilà quoi, c'est. Cible aussi un sport. Cible un sport, c'est bien cibler un sport pour. Bah, quand tu fais du sport, ça te calme. Ça te calme Ça te déjà. déstresse, Déstresse un ça peu, te met en ouais. Ça fait forme. sortir toutes les Parce qu'il y a toxines de bien, ton des corps. gens comme Sylvester Ça Stallone que j'ai vu purifie plein ton de stars, ils font du corps. sport malgré qu'ils sont vieux. Hein. Et Ouais. quand tu fais du sport, ça t'améliore. Ça y a la santé beaucoup La dedans. santé, Et ouais. c'est bon pour le moral. Et le stress, tu le jettes fin de compte dans le sport et t'oublies tout le stress. C'est pour ça Combien de quand on est gens, combien stressé, de gens il faut aller dans le sport, ça te déstresse beaucoup. Tu sors tout ce Parce que que tu as accumulé de ouais. négatif, toutes les mauvaises toxines, elles Tous les sortent. trucs, ça sort. Et Ça puis en sort. plus, c'est bon pour le Ça évite moral. de penser parce que tu penses que tu vas au sport tous les jours et quand tu te lèves au matin et que tu vas faire du sport, ça fait du bien pour la santé déjà. Ouais. Parce que même ça rajeunit aussi. Parce que quand tu fais du sport, de la musculation, ou tu cours ou des trucs comme ça c'est bien pour tenir en forme toute ta vie, quoi. Parce qu'il y a bien des gens de 70 ans qui font du sport et ils se tiennent bien. Je te Ouais. promets, hein. Et des bains dans l'eau, tu sais. Tout ça, là, je vais me remettre et je vais payer 50 € par mois. Et il y a la muscule. Plus tu fais de la muscule, il y a la boxe thaï et les MMA que j'ai fait avant et je me re-inscrire. Mais je sais pas s'il est fort comme lui parce que la personne qui m'a appris c'est un chinois. Et j'étais déjà en Chine, à Shanghai, à prendre aussi le sport là-bas chez les moines de Shaolin. Et ce qui est excellent aussi, ce sont les bains Ah non, en là-bas ça. rivière, Non, non, non, les là-bas bains dans ça. le Écoute, fleuve, écoute. Là-bas au ça n'a rien à voir. printemps. Écoute, écoute. Là-bas ça n'a rien à voir en Chine. T'apprends pas comme ici. Hein. C'est 10 000 fois plus dur. Déjà, tu dois rester 15 Challenge. minutes dans l'eau. Et le mec, quand tu te lèves, il te repose. Hein. C'est plus dur là-bas. Ah oui. C'est 10 000 fois plus dur quand tu fais le sport de là-bas. Bah, tu vois les petits, qu'est-ce qu'ils font? Tu deviens folle déjà. Oh là là. Oui, mais il y a des Je les gens vois qui à 5 conçoivent le ans. sport comme un loisir, pas comme une compétition, pas du tout. Et donc, Non, comme les un Chinois, loisir écoute, je vais te dire quelque chose. de se détendre, hein, de prendre le temps. Les Chinois, je vais te dire quelque chose. Ils ont sale dans le sang. Malgré que les autres vont faire du sport, ouais, ils vont être forts, mais quand même, ils vont pas être plus forts qu'un Chinois parce qu'il a sale dans le sang. Enfin, demain, on Dans devrait les aller à gènes, la ça. Ouais. piscine, Ringo, hein, pour se détendre dans l'eau fraîche. Moi, j'aime pas trop la piscine, je te dis la vérité. Dénouer Ça peut, hein. Tu vois, même moi les qui tensions. était au début très nul au football, je suis devenu après un bon libéro. Bah, les années qui passent, tu Ouais, peux. Chaque on année, sait tu jamais, deviens un hein. peu bon. C'est comme dans la musique, quand, chaque année que tu passes, comme moi depuis 20 ans. Mais ça, grâce à mon oncle aussi. Ah, voilà, Que c'est j'ai bien gâteau, amélioré ouais. parce qu'il est connu mondialement. Fin de compte, c'est lui qui fait toutes les musiques de Tupac, Snoop Dogg. Il est ici en France. Et grâce à lui, j'ai amélioré parce que quelquefois, quand il voit que je déconne, il me dit non, Ringo, il faut pas faire ça. Et moi, quelquefois, ça m'énerve. Il me dit, mais là, il me dit non, tu dois faire comment je te dis. Et depuis que je l'écoute, je suis amélioré Beaucoup de choses, dans, beaucoup ouais, d'aspects. Mais ça, dans la musique. tu le dois qu'à toi-même aussi, normalement. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je préfère aller quelquefois chez mon oncle parce qu'il y a des gens, quelquefois tu vas chez eux, Ah ouais. il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de menteurs dans ça. Comme un pote à moi, Carbat, tu l'écoutes chanter, mon oncle, quand il l'a écouté, il a dit ah non, lui il va jamais réussir. Je dis pourquoi? Mais il chante mal, Ringo. C'est pas possible qu'il va réussir. Le mec, il parle même pas. Mais pas, il m'a dit comme ça, mais pas qu'on paraître les Américains à côté d'ici. Et les Latinos parce qu'ils sont très très forts, Ringo, il m'a dit. Il est connu mondialement. Ah ouais. Mais il n'est jamais parti à la télé parce qu'il y a les Ouais. sectes, quelquefois C'est vrai, c'est vrai, les c'est sectes. vrai. Ah, ça pardonne pas ces trucs-là. Hein. Ah non, Ça, Maître c'est. Gims, il a donné son âme, il est fou lui. Oui, c'est vrai, moi, La oui. seule qui n'a pas donné son âme, c'est. Comment elle s'appelle? James, Céline James. Dion. Non, James. Céline Dion. Céline Dion, ouais. Elle a la voix de naturel, Dieu l'a donné, la voix. Ah ouais. Bah, il faut pas croire, mais même quand tu es avec Dieu, tu peux réussir. Mais il faut pas aller. Madonna, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur âme à eux. Hein. Ah ouais. Comme Maître Gims, hein. Ah, Maître Gims, ça y est. je crois pourquoi il voit pas sur les yeux quelquefois. T'as bien vu la musique Zumbi là qui Ouais, chante? Mais tu crois pourquoi il chante ça? ouais, Parce qu'il est parti vers eux. Ah ouais. Même pour te dire, un pote à moi, il m'a montré une église, laisse tomber. ils coupent leurs veines pour aller dans l'église, aller à Paris même. Ça, c'est depuis que les Américains, ils sont avec les Français un petit peu. Les Français, ils sont en train de déconner. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ah ouais. Ah non. Avant, il n'y avait pas tout ça. J'ai jamais vu des Français, normalement, Jean-Jacques Goldman, les anciens, ils ne faisaient pas ça. Mais depuis que les Américains commencent à être connus avec les Français, ils font des conneries. Quelquefois, les Français, ils vont vers eux. La preuve, il y a des églises du diable. Je l'ai vu en personne, un pote à moi, il me l'a montré même. Ils coupent leurs veines pour... Il y a beaucoup de stars qui vont dedans. Hein. Putain. Je te promets. Hein. Il y a beaucoup de stars qui se mettent avec lui. Il paraît fou pour faire ça. Il paraît que Poutine se prenait des bains de non, sang. Non, arrêtez de parler de mal de Poutine quand vous ne le connaissez pas parce que je suis russe. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, parce que là, ça va m'énerver. Arrêtez, votre Macron de merde là qui va se faire foutre depuis 2014, il prévient toute l'Europe, ils font rien. Vous croyez que les Ukrainiens ils sont bien? Arrêtez de mettre tout le monde dans le sac, arrêtez de croire. La preuve. On parlait des gens qui. La preuve, quand lui il est devenu président, la Russie elle a commencé à être mieux. La preuve, il y a des milliardaires qu'ils ont signé pour donner des sous pour que le peuple de Russie il est bien. Et il ne faut pas déconner parce que vous le critiquez, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous dites. Depuis 2014... Mais non. Je savais qu'il allait faire ça. Non, mais c'est en va. Vous vous trompez sur lui parce que Macron, il fout la merde. Lui, au moins, il aide le peuple de Russie, mais lui, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est là, ce connard? Il est retraité, il veut les abaisser, il met le virus... Depuis qu'il est là, il n'y a que des trucs chimiques même dans la bouffe. J'ai halluciné. Depuis qu'il est là, ce mec-là, c'est un diable. Pour te dire, même il y a des femmes qui s'approchent à côté de lui, tombent dans les vapes, s'il te plaît. C'est un poisseux. Et en plus, sa meuf, c'est pas une femme. C'est un petit trans. Mais je vous le dis la vérité, il y a plusieurs gens qui l'ont dit, ça. Hein. Parce que vous voyez, quand un mec se fait opérer, tu vois plus rien. Tu peux pas le savoir. Mais moi, vu comment je viens de Colombie, même quand je vois leur tête, je vais reconnaître tout de suite. Parce que je viens de là-bas, vu comment je suis russe et colombien, du côté de mon père et ma mère. Ma mère, elle est serbe et mon père, il est russe et colombien. Quand je les vois, je vais savoir tout de suite. Parce que je obligé que tu vois quelque chose, que tu vas savoir que c'est un mec. Mais je l'ai senti de toute manière, dès que je l'ai vu. Hein. Je savais, mais je parlais pas parce que voilà, il est chez moi officiel dans mon TikTok, mais je crois bien que je vais l'effacer parce que j'en ai marre de sa gueule, il fait que des conneries. Déjà, qu'il laisse les Ukrainiens ici, je dis rien. Mais faire la guerre pour eux, il est complètement fou le mec. Il va se faire foutre. Manière, ces gens-là, ils n'iront pas chez Dieu. Alors là, c'est les premiers qui vont aller où ce qu'il faut. Laisse tomber. Il reste au nez. Hein, il est nul à chier. Depuis qu'il est là, il n'y a que des problèmes en France. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Depuis qu'il est là, Macron, il n'y a que des problèmes en France. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il est complètement con. Encore qu'il les laisse ici, qu'il les aide. Mais pourquoi il veut faire la guerre pour eux? Il est complètement fou, ce mec. Déjà, j'ai jamais voté pour les présidents et je voterai jamais pour eux parce que ça m'intéresse pas. Ni la justice, ni les présidents parce que... Ils savent que parler pour rien dire et rien faire. Il n'y a que ici en France, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez dans les autres pays, en Allemagne, en Suisse, tout ça. En Suisse, il y a même des gamins de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui travaillent ici. T'arrives, c'est pas que je suis réticent vers les étrangers. Quelquefois encore qu'il aide les étrangers, je le comprends. Mais il n'aide pas les Français. Il y a des Français qui sont 15 ans dans la rue. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Encore qu'il aide les étrangers, les clandestins, je m'en fiche qu'il fait ça, qu'il les aide, mais il aide pas, il y a des petits de 14 ans là qui vendent de la qui vendent des trucs pour avoir des sous, vous rencontrez c'est quoi ça? Qu'avant à 14 ans, tonton, à ton âge, à 14 ans, tu travaillais, maintenant il n'y a même plus de travail. Les Français, ils sont en train de perdre leur travail. Et il fait que des conneries. Je dis pas contre qu'il aide pas, je sais pas que je suis raciste, mais qu'il aide les étrangers, mais qu'il aide aussi les Français. Mais les Français, ils les laissent dans la merde. La preuve, même les retraités, ils sont dans la merde, ils veulent abaisser la retraite, ils veulent faire tout n'importe quoi, le mec, il est complètement fou. Et depuis qu'il est là, c'est là que le virus, il est venu. Hein. Moi, j'en suis sûr que c'est lui qui l'a laissé. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas lui, il n'y avait pas le virus. Depuis qu'il est là, T'as remarqué ça? Depuis qu'il est là, t'as bien vu le virus qu'il a laissé, ce bâtard. C'est pour ça que maintenant j'ai peur de donner les mains aux gens. Bah ouais. Il laisse ça. À la fin, quand quelqu'un l'attrape, tu vas l'attraper. Et je pareil, c'est pas encore fini avec lui. J'espère franchement qu'il va perdre les sélections, ce mec-là. Franchement, j'espère. Il y a tellement à dire. Il est con, ce mec. Il fait. Laisse tomber. Ah, tellement à dire. Moi. Il y a des femmes mauvaises, je dis pas le contraire, mais les femmes, c'est rare qu'ils sont mauvais parce qu'ils aiment pas la violence. Déjà, s'il y a une présidente femme, j'en suis sûr que la France, elle va être mieux parce qu'ils aiment pas la violence. Ils sont plus doux. D'accord, il y a des femmes qui sont ignobles, mais c'est rare que tu vois ça. Parce que les femmes, ils sont plus douces que les hommes. Les hommes, ils aiment que la violence, ils pensent que au sous, car les femmes, ils vont réagir autrement que les hommes. Ils aiment pas la violence. Bah, je vous souhaite bonne journée, bonne continuation. Yes. Au revoir. Yes. I want a banana, more freedom and dance on the new track. I want a banana, more freedom and dance on the new track. So realize that the system is bad. Oh, you know it. And yet, you want to stay on, eh? Is that what you mean? Give me a banana and freedom to dance on the new track. Give me a banana and freedom to dance on the new track. Give me a banana and freedom to dance on the new track. Give me a banana and freedom to dance on the new track. Give me a banana and freedom to dance on the new track. Give me a banana and freedom to dance on the new track. Yes, the system is bad. But please, don't give me banana, potatoes and yam at the same time. Monsieur, je connais le... Mon Ringo, ça va commencer là. Ça commence là, Ringo. Prends tes paroles. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was singing to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Many a room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. mind is definitely twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. He said, please bring me my wine. We haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. On the ceiling, dipping champagne on ice. He said, we are just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gather for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. I think I remember I was running for the door. I thought I'd switch back to the place I was before. Life said the nightmare we are programmed to receive. You can check up any time you like, but you can never leave. C'était l'époque de la gueule. Elle en a gardé des beaux souvenirs. On instrumenta sa danse. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tous ensemble avec des effets spéciaux là, c'était pas mal hein. C'était bien, ça fait plaisir de chanter ensemble un peu. Donc voilà, il y a des gens qui commandent Mohamed les prophètes, mais il n'est pas là aujourd'hui. Mohamed, il est où? Mohamed n'est pas là. Ah, il est au pays. Tu peux parler au micro? Attends, t'entends là? Allô? Oui. Ah, attends pas. Allô, allô, allô. Ouais, là. Mohamed est au pays. Voilà, Mohamed le prophète. Jusqu'à fin juillet, je crois. D'accord, donc on l'aura début août. Moi, il serait absent la dernière semaine de juillet et les deux dernières semaines d'août. Mais on est là encore trois semaines, là, et puis après en août. La semaine prochaine ? Je suis là, oui, évidemment. Merci Magali pour nous amener tout cette, cette texte, poème, chamanisme, nourriture, chanson collective. Voilà, il y a aussi Johan, merci pour te confier à nous et puis faire un hommage à ta mère qui est partie. Ouais, ouais. Rose, je me rappelle que tu as fait à Schizophonie à l'autre radio cette rap à elle, quoi. Hein. Ouais. Donc, j'ai fait un petit son pour ma mère en fait, d'avoir pu entendre. Si tu veux, j'en fais ça sur la prochaine. Hein. Mais oui, vas-y, tu veux même mettre autre chose, tu peux lire, tu peux chanter. On a encore 5 minutes. Je peux encore lui faire un petit. Oui, vas-y, tu as le temps pour faire 5 minutes. 5 minutes, on t'attend. Ah oui, tiens. Cherche d'abord, je te passe le câble. Ma mère, elle est décédée la semaine dernière. T'en prends le micro, tu as un micro là. Ouais. Ouais. Voilà, donc on a encore 5 minutes. Dans 5 minutes, on t'écoute. Elle est partie et si vous avez vraiment encore la chance d'avoir une mère, je vous conseille vraiment de parle de l'aimer fort. Ça entend bien. Si vous avez la chance d'avoir encore une mère, donnez tout pour elle. Moi, je l'ai perdue et je sais c'est comment d'avoir perdu une mère aussi et à 100% avec elle, voilà. Là, je dis style micro fort, allez. Vas-y. On t'écoute. Allez. Et ça, c'est juste interprété dans ma tête comment j'ai vécu avec ma mère. J'ai fait tout à l'heure comme ça, la rappelle-là, je te fais comme ça. Vas-y, Johan. Je l'aime de tout mon cœur, j'espère qu'elle me regarde. Il nous écoute. J'espère qu'elle m'écoute dans mon cœur. Jamais gravé. Un artiste que j'aimais beaucoup. Yeah, dance. Come on, Rose. Rose et Sika, ma putain de mère, ouais. Elle a ça, ouais. De bouger contre moi, c'est fait. Plein de bêtises, maman. Excuse-moi, maman, ouais. C'est Johan à Paris, abondis plus précisément, ouais. Je te fais cette musique, tellement elle est en moi, ouais. J'ai ça dans la voix, toujours la foi en Dieu, en la psychiatrie. J'en ai connu beaucoup de monde qui ont eu ma pathologie, mais à jamais on s'est guéri, ouais, à jamais c'est Dieu qui nous fait, ouais, nos faiblesses à jamais c'est nous le guerrier qui frise à tout ça. Oh oui, maman aimait danser quand je lui ramenais un 15 sur 20, ouais. J'étais pas fort en anglais, désolé maman. Sorry, I am stronger, yo, what? Le Cameroun, c'est mon bled à jamais gravé dans les étoiles de ton nom, Rose. Rose, c'est quoi? Rose, oh, t'étais ma rose, t'étais ma rose. Alors, Michael Jackson. Je fais ce doux chanson, ouais. Oh, oh, oh, oh. C'est Rose, c'est Rose, c'est Rose, c'est Rose, c'est Rose, c'est Rose, c'est Rose. Oh, il fait froid, oh, il fait froid, oh, il fait froid. Oh, il fait chaud. Oh, à jamais j'ai chaud. Oh, maman. Oh maman, jamais c'est chaud. Oh maman, j'ai chaud. Ton nom, Rose, Rose. Ah, soleil. C'est le soleil. C'est le soleil qui domine le monde, ouais. À jamais je vois Dieu, ouais. À jamais je vois tes bienfaits. Tes bienfaits, eh. Tes bienfaits, eh. à jamais maman. C'est la fin à jamais, à jamais. C'est Yoann qui finit son son. Bravo Yoann. Bravo Yoann. Bravo, bravo. Maman, très, très quel hommage à ta maman. Voilà, qu'elle parte dans les autres mondes. Qu'elle soit en paix. D'une belle chanson. Et comme ça, on finit cette séance métanoïaque. Wow. Merci beaucoup, Yoann. Très content de là. Et merci de partager avec nous tous ces moments. Ouais, je vois, tu es ému. Merci, nous aussi. Super, merci. Merci Magali, merci Sabelle, merci tout le monde, merci Martin, merci Émeric, merci tout le monde, merci Martin, merci à la semaine prochaine, Métanoïaque. À la semaine prochaine. Semaine prochaine, au revoir. Yeah. Bien, bravo.